إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، donc là on est arrivé au bab 21, ce qui inclut, comme on l'avait expliqué, le muraja'a des 10 dernières abwab. Ce kitab, الذي هو كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. أولا، طيب، est-ce que tu te rappelles c'était quoi le 11e bab؟ لا يصلح لمكان يصلح لا يصلح للذي لمكان لا يصلح فيه. On n'a pas égorgé dans un endroit où il y a pour Allah des endroits où il y a, y a des gens qui égorgent pas totalement. On n'est pas pris ça, non? Dans notre Mourajah? Je sais pas, c'était un théo. Ça, c'est le 10, ça. Ben, c'est ça le 10. Non, c'est bon, ça, je crois. Le Kitab ou non, ou le 10? Attends. Donc, il y a là, l'Azim Ma'i et l'An, c'est pas le Shabbat de Shabbat, mais c'est ce que je comprends. Non, c'est le. Tiens, ici. Ouais. C'est parce que là, le premier bab, il n'est pas considéré comme étant l'awwal. Mais celui-là, oui. Ça, je me rappelle, on a fait la Munakasha par rapport à, en dernier, par rapport aux Zabh Lirilillah. Ce qui était du shirk, dans ce qui n'était pas pour Allah et ce qui n'en était pas. Taïb. Aïwa. Donc, on n'égage pas pour Allah dans un lieu, on n'égage pour autre que Allah. C'est quoi la cause de cette interdiction? Les gens, ils peuvent penser que. Yani, Awalen, est-ce que c'est du shirk en soi? Non, c'est pas du shirk. Les gens qui voient faire ça, ça peut les amener à penser que c'est soit c'est permis ou soit que c'est quelque chose qui est toléré. Il n'y a pas de distinction entre les. Nous, dans ce bâle-là, on a vu qu'on devait se séparer des gens du bâle. Ah ouais, Adal, meuble tamise, fermer les portes pour se distinguer. Non. Car ça va causer un ellipse. Les gens vont ne pas réussir à distinguer entre. Ce qui pourra là, ce qu'il n'est pas, et au final, c'est le faux qui va l'emporter. Fumal bab al-Izbardaou, si tu te rappelles. Non. Faisant partie du shirk. Le nazr pour autre que Allah. Ma hukm al-nazr li-ghayrillah. Kufr akbar. Shirkun akbar. Tu te rappelles du ta'alif du Nazr, la définition? C'est il zem. Il zem. On avait pris, c'était le Rahd et l'Iltizam. Et Shara'an? Alors, il zem al-Mukallaf, Nefsa, Illa, Nara. D'accord. Il zem al-Mukallaf. On commence. Alors, il aime. Que le mukallaf s'impose une chose pour Allah que Allah ne lui a pas imposé. Ou c'est quoi à la base le hukm du nazr? C'est Aslan. Macro. Et c'est quoi celui qui a fait un ordre, qu'est-ce qui lui incombe? S'il le fait pas. À la base, il a dit Lillahi aliya kaza wa kaza. Il fait un ordre. Il est obligé de s'y engager, de s'y tenir. Et c'est quoi les chourouts du nazr? Que ce soit pas une marsiya. Non. que ce soit quelque chose qui possède, si c'est un montpellier par exemple. Si j'échange ça, c'est un... Par exemple, il dit, si Yanni, pour Allah, je vais libérer l'esclave de Foulen. Cet esclave n'est pas à toi, tu ne peux pas le libérer. Et on a dit, il est la Qismain, le Navr. C'est quoi les deux catégories de Navr? Naam. Ma wa al-fark bayna huma, la différence. Al-Mutlaq, c'est que quelqu'un, il dit, par exemple, sans raison, il dit, je vais jeûner. Sans attendre quelque chose en retour. Enfin, lui, il ne va pas, il ne met pas en condition qu'il va faire quelque chose par rapport à ses neufs. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire 2 mois de siyam, par exemple, sans rien. Et l'autre, il dit, par exemple, si Allah me guérit mon enfant, par cette cause-là, je fais, par exemple, 2 mois de siyam. Non. Et celui qui ne remplit pas son ordre, c'est quoi le... Comme Kafarat al-Yamin. Je crois que c'est 10 pots. 10 pauvres, il doit nourrir 10 pauvres. Ou les habiller, ouais. Ou tahalir ruqaba. Libérer un esclave. Voilà, on jeûne 3 jours. Jeûne 3 jours. Est-ce qu'il a le choix entre les trois? Il prend ou celui-ci ou celui-ci? Non. Arsant. Taïeb, le bab al-zibar d'ahou? Le bab d'après, c'est quoi? Non. Parmi le shirk, l'istirada virilillah. C'est-à-dire que l'istirada, l'istirada kulluha shirkun. Est-ce que tout est du shirk dedans? Là. Vas-y, explique-nous alors comment. C'est quand c'est du shirk, quand est-ce que ça n'en est pas? Quand c'est une chose que quelqu'un est capable de faire, c'est pas du shirk. Mais quand c'est quelque chose que tu demandes, là c'est du shirk. Non. Et dans quel genre de dua ça rentre, l'istirada? Dua al-mas'ala. Dua al-mas'ala. C'est quoi la différence entre dua al-mas'ala et dua al-ibada? Dua al-ibada, c'est une ibada en soi. Comme salah. Je ne sais pas si le hajj aussi. Non. Toutes les choses, c'est de l'ibada en soi. Et dua al-mas'ala, ça peut rentrer dans l'ibada, mais ce n'est pas forcément l'ibada. C'est une demande. Et dua al-ibada, il y a du shirk asghar dedans? Est-ce qu'il y a un tafsil dedans? Je pense pas. Il n'y a pas de tafsil dedans. C'est le shirk akbar. Celui qui fait salat pour autre que Allah, c'est un mushrik. Celui qui fait le hajj pour autre que Allah, c'est un mushrik. Celui qui yazbah li ghilillah, c'est un mushrik. Taïb. Et c'est quoi le taïb? On avait dit que l'isti'aza, c'est le même hukm pour l'isti'ana wa l'isti'atha. C'est pareil. Le bœuf d'après, c'est l'istirafa, en fait, c'est pareil, je crois. Non. Et c'est quoi la différence entre l'istirafa, l'istirafa, l'istirana et le doa? Alors, le doa, il englobe tout. Toutes ces choses-là, c'est des doa. Pas d'ayat. Le doa. Là, alors, l'istirafa, c'est la protection, la demande de protection. L'istirafa, c'est la demande de secours. Et l'istirana, c'est la demande d'aide. Donc, kullu isti'aza wa kullu isti'ana wa kullu isti'atha du'a, voilà l'axe. Tous sont des du'a, mais ce n'est pas tout du'a qui est. Ça sont des du'a qui sont spécifiques, qui sont khas. Naam, donc ça c'était le bab. C'est le même, c'est la suite du bab d'avant. Et le bab d'après, kullu Allah ta'ala. Je crois que c'était par rapport à. Ça يشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون. Est-ce qu'ils associent ceux qui ne créent rien alors que eux-mêmes sont créés? C'était les Aoussaf des Ma'boudin, irrégulaires. Et eux, ils sont. Au début, c'était Aoussaf de ceux qui sont en dehors d'Allah, qu'ils n'ont pas créé, eux-mêmes ils sont créés, qui ne peuvent pas se secourir et qui ne se secourent pas. Non. Ensuite, on avait vu à la fin du peuple que la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucun effort en lui-même. Il peut pas, il a aucun être. Lui-même et tout ce qu'il fait, c'est bien. Il indique que le prophète, c'est la meilleure des créatures. à l'Altlock et que lui-même ne peut rien faire pour lui-même ou pour ses proches, donc que fera-t-il pour vous? Alors, si tu ne peux tourner une ibada vers lui, ce qui est interdit, mutlakan, comment la tourner vers ce qui est en deux, yani moindre que lui, de moindre rang que lui? نعم هذا هو والذي بعده الباب d'après الملائكه يخافون من الله عز وجل ça suivait le bab d'avant, ça montrait que même les malaïka ils ont peur d'Allah عز وجل et que même eux ils n'arrivent pas l'adoration. نعم même eux ne pas l'adoration, ni les anbiya ni les malaïka sont des créatures qui ont peur d'Allah et qui elles-mêmes ont peur d'Allah, c'est son châtiment. Donc il n'y a pas lieu de les adorer, de les invoquer, d'égorger pour eux ou Ra'il Zalika. Et comment est-ce que certaines informations parviennent sur Terre? Les choses qui sont liées au Ra'il. Comment ça arrive? Tu te rappelles comment ça arrive, hein, du début à sa fin? Ouais, les djinns se mettent déjà sur les autres. Avant ça? Ah oui, non. Allah Azza wa Jalla, il dit quelque chose qui va arriver. Il fait un décret. Ensuite, Jibril, si on avait vu que parmi les païdas, c'était lui, c'était à lui qui parlait en premier, Allah Azza wa Jalla, qui expliquait à Jibril. Et eux, les djinns, ils se mettent les uns contre les autres. On dirait les shayatines des djinns, non? Non. Ils écoutent, ils entendent plutôt, ils entendent le décret qui va arriver. Du moins, ils le volent plutôt. Là, ils le volent. Ensuite, ils se le font passer jusqu'à temps que ça arrive au celui qui est sur Terre. Non. Un devin, en voyant. Voilà. Ils se font lapider soit avant d'avoir de transmettre au devin ou au sahir, ou soit ils transmettent après ce que tu veux. Donc on avait vu que ces choses-là, de toute façon, ça vient... C'est et après, le Kahin, il fait quoi avec cette Kalima? Il y a un mélange avec 99 mensonges. Avec 99 mensonges ou avec 100? 102. Je sais. Chabemez, il dit que c'est... Chabemez, il dit que c'est pas un nombre précis. Ah ouais. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Ah ouais. C'est pas genre 100 pile poil. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais pour dire qu'il mélange beaucoup de faux avec. À la bébé Tarelib Fakat. Les Salahou Mafoum. Non. Et après, les gens viennent voir ce devin et ils disent... Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que c'est vrai. Tu connais le règle. Le jour où cette parole véridique se réalise, ils oublient tous les autres mensonges qu'il a dit et ils disent... Nous a-t-il dit telle et telle chose tel jour? Wa kaza. والباب الذي بعده من اعظم ما وقع فيه المشركون لا سيما من انتصب للاسلام دي كوز pour lesquelles une grande cause pour lesquelles les gens sont tombés dans le shirk et surtout ceux des musulmans de ou plutôt ceux qui disent musulmans s'apparentent à l'islam je veux dire là قبل هذا. Elle est ou hiya al-shafa'a, l'intercession. Tafkour al-ta'alif, tu te rappelles la définition de shafa'a? On avait dit l'oratan bimana wadid al-witr. C'est tout ce qui est père. Wa shar'an, on a dit, wa al-tawassut lil-ghayr. Li djelb neuf ou d'œuf d'or. C'est le fait d'intercéder pour quelqu'un pour lui apporter un bien ou lui repousser un mal. Tayyib Shafa'a, elle est de combien de catégories? Non. Al-Muthbata wa Al-Manfiya. La Manfiya, c'est laquelle? Celle qui a demandé l'air. Yani, elle a demandé à autre qu'Allah Azzawajal, donc c'est du shirk. Ça, c'est une partie. Demander à autre qu'Allah sans que cette personne-là ait la capacité de le faire. La Manfiya, c'est celle que Allah refuse. Pour différentes raisons. Parmi elles, celle qu'on peut demander autre que Allah, ou parmi elles, celle qui est demandée à Allah, mais celui qui la demande ne la mérite pas. Masalan. Ou celui à qui on demande la shafa'a n'est pas de ceux qui peuvent être des shufa'a, ou celui qui demande la shafa'a n'est pas de ceux qui méritent un yushfa'a lahum. Ça, la manfiya, c'est que Allah, il refuse. Même s'il n'y a pas du shirk dans la shafa'a en soi, celui qui la demande, il y a un khalal, il y a un problème, qui fait qu'il n'a pas de shafa'a. Mais la plupart du temps, c'est le shirk. Non. Voilà, Muthbata. Celle qui est acceptée. Celle qui est demandée à Allah dans ce qu'il peut faire et avec les conditions que. Alors, Zawajal, il agrée le shafir à Mouchfor. Non. Parce que c'est vrai que souvent, ils disent la shafa'a manfiya, celle qui est demandée à autre que Allah. Mais si tu regardes bien, elle est plus large que ça. Parce que tu as des gens qui demandent à Allah la shafa'a. Fialan, mais ils ne la méritent pas. Donc cette shafa'a, elle est quoi? Même fiya, ils ne l'auront pas. Ils ont fait du shirk, mathalan, al-lazi azhar. Et c'est vrai qu'à la base, ils disent la même fiya, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah, à les mouchtikoun d'avant, comme il disait, man a'buduhum illa yukarribuna ilallah yazulfa. C'est-à-dire que les ibadas qu'ils faisaient pour leur snam, c'était en but d'obtenir la shafa'a. Donc eux, ils l'ont demandé à celui qui ne la méritait pas, du moins celui qui n'était pas apte à la faire, et pour cela, ils faisaient du shirk. Donc ils rentrent dans les deux. Eux-mêmes étaient des mouchidikoun, donc ils ne la méritaient pas, et en plus, ils demandaient de façon yani interdite. Ils ont mélangé les deux points. Wallazi ba'dahu, est-ce que tu te rappelles, c'est quoi le bab qui a après shafa'a? Là. Qabla hada. Ça concerne Abu Talib. Tu ne guides pas qui tu aimes. On a expliqué que le verset, on pouvait en sortir deux sens. Est-ce que tu as pour Ruhuma? Man ahbabt, naam. Parce que l'amour, sur le thème, il avait dit que Al-Mahabba, elle est tabiriya aussi. Ça montre qu'il avait sur le pouvoir de l'amour pour son oncle, qui l'a beaucoup aidé, qui l'a secouru, qui l'a soutenu. Et c'est quoi l'autre explication? Et l'autre, c'est que, en fait, ce qui est plus large. Sur la Mahabba, c'est la guidée de la personne. Tu ne guides pas celui pour qui tu aimes la guider. طيب وقال عز وجل إنك لا تهدي للصراط المستقيم. Il dit certes tu guides vers un chemin droit. Donc comment comment on joue entre les deux versets? Allah dit que le Nabi sallallahu alayhi guide vers un chemin droit. Elle dit, al-hidayah, elle est de deux sortes. Ismail. Celle qui revient que à Allah ce moment-là, et c'est hidayat, tawfiq wa l'ilham. Et l'autre qui revient à autre que Allah ce moment-là, la créature, c'est al-dalala wa l'irshad. C'est le fait d'indiquer. Cela, yani, toute personne qui se mettrait entreprendre une da'wah, peut rentrer dans celle-ci, être une cause de guider pour des gens. Et bien évidemment, Al-Anbiya awla bizalik wa ba'dahum al-ulama. Car ils appellent avec science, clairvoyance. Donc ils ont plus de causes de pouvoir toucher les gens par leur da'wah, en le faisant bien. Alors, ceux qui appellent les gens, ils nous en font des liquifiés, comme on dit, des musulmans liquéfiés, comme les Jamaat Tablir, qui viennent, ils font entrer des gens en islam, soi-disant. Alhamdoulilah, beaucoup d'entre eux, après, finissent par comprendre et les délaissent. Mais au début, ils appellent qu'elle Rububiya. La da'wah de Jamaat Tablir, c'est Tawhid Rububiya. Ils appellent les gens à reconnaître que Allah, c'est leur Seigneur. Ils m'ont dit, ben Quraysh, toi et Quraysh, vous étiez. Il n'y a pas eu de khilaf entre vous. Toi, tu es un tablier, tu as fait da'wah à Quraysh, tu as dit, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, tu as dit que c'est un musulman. Tu aurais dit non, je ne dis pas la ilaha illallah. Je suis d'accord avec toi. Que c'est Allah qui a créé, que c'est Allah qui tue, que c'est Allah qui coupe la viande, que c'est Allah qui fait sortir le lait de la vache, que c'est Allah qui fait tomber la. Comme ils font les tablières, tu vois, quand ils se moquent des gens là. C'est ça qu'ils font. À savoir qu'ils ont d'autres shirkiyats derrière. Là, ce sont ça, on parle, c'est des tablières de France. C'est des petits. Ah, mais quand tu vas dans le Merkez, Pakistan, tu vois des ajaïb chez eux, dans ce que les gens rapportent. Il y a beaucoup de tablières même. Parmi ceux qui s'apparentent à leur da'wah, ils ne connaissent même pas. Je pense que c'est juste Khoulou Shisabilillah, appeler les gens à l'islam. Ils ont une bonne niya pour certains d'entre eux. Et t'en vois beaucoup qui étaient des frères, qui étaient des tabliers, ils sont venus salafis par la suite, ils ont compris. Et les tabliers, eux, combattent la science. Ils voient qu'il n'y a pas lieu d'apprendre. Les gens sont, comme ils disent, les gens sont au bord de l'enfer et vous êtes en train de vous asseoir avec vos couteaux. Les gens ont besoin de da'wah. On dit non, mais la da'wah, cool. Ad'ou ila Allah ya la basira. J'appelle Allah la basira. Donc toi, tu fais da'wah, le Coran, tu le contredis. La sunna, tu la contredis. Tu lis Riyad al-Salihin, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de répéter. Tu lis, parce qu'ils cherchent la baraka par la lecture. Ils ne cherchent pas l'application. Ils cherchent la baraka par la lecture. Genre, on prend un hadith, on prend la baraka du hadith. Tu vois? On dit le hadith, il est venu pour être appliqué. Et ces gens-là ont sali ce livre, Riyad al-Salihin. Beaucoup de Jouhel, quand tu leur dis Riyad al-Salihin, ils peuvent s'établir tout de suite. Alors ce livre, c'est un livre qui est azim, qui est immense. Est-ce que le Khuruj Fisabilillah, c'est une bida? Non. Là? Donc c'est pas bida? Comme eux le font, voilà, pour préciser. Comme eux le font, Tayeb, c'est une bida. De terminer 3 jours, ou je ne sais combien, 40 jours, je ne sais quoi, et quand on peut sortir sans science, c'est le bida. Ah, mais maintenant, à da'i l'Allah, il y a Khouj Fisabilillah. Déjà, parmi les sens de Khouj Fisabilillah, il y a le djihad. Pas de bida à le djihad, sûrement pas. Et également, quand un da'i l'Allah, il sort en da'wa, le Nabi Sansam, il l'a fait. Il a envoyé des du'at, il a envoyé Mouaz au Yémen, il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari, mais ces gens-là étaient des ulama. Pas des johel comme eux qui sortent, se convertis hier soir, mais ce qu'ils l'ont maintenant, on dit, allez, viens avec nous au Brésil, on va faire da'wa. On nous a raconté qu'une fois ton ami s'est levé, ils l'ont dit parle. Il a dit dis ce que tu as à dire, il s'est levé, il s'est mis à pleurer, tellement il ne sait pas quoi dire. Il était gêné. Il s'est mis à pleurer. On comprend. Tu connais rien, tu as fait la shahada hier soir, et demain matin on dit lève-toi devant tout le monde et parle. Et c'est effondrant en larmes, tellement il était gêné. Ça, c'est le résultat du jahl. Taïeb. Walbab al-Adi Bardahu. Non, tu vous laisses, Bebla. Non, que le sabab kouf bani Adam, wa tarkihim dinahum, huwa le ghulu fi salihin. Qu'ils ont délaissé leur religion, fils d'Adam, les humains, et c'est le ghulu dans le salihin. Le ghulu, on a dit qu'il mène à deux choses. Mahuma. Al kouf wa al bida. Non, soit le shirk, ou soit al bida. Car le ghulu mazboum itlaqan. Et justement, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas faire comme ont fait les Nasara avec Isa ibn Maryam, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit de ne pas faire? La tutrouni. C'est pas de itra, c'est le fait de faire trop d'éloges, des éloges exagérés. Car c'est comme cela que les Nasara se sont mis à adorer Isa, alayhi salam. Al-Itra. Tu te rappelles des 4 faïdas qu'on a pris de Cheikh Othaymine sur le roulou, sur les mauvaises conséquences du roulou? Alors. Kulna اولا هذه مفسدة. Le relou, c'est un. Tu descends la personne, plutôt tu mets une personne au-dessus de son rang, si jamais c'est par l'éloge, ou alors tu la rabaisse de son rang, si jamais c'est par la diffamation. Car le relou a lieu dans les deux sens. Tu exagères en faisant l'éloge des gens, tu exagères en critiquant les gens. Même ça, même dans l'ibadat, on fait trop. Mais le relou, c'est pas forcément aimer trop quelqu'un. Ça peut être aussi trop détester quelqu'un. Tu exagères dans la façon dont tu détestes la personne, tu fais du relou, comment tu le diffames. Parce que tu rapportes sur lui, tu n'arrêtes pas de parler de lui, tu n'as que lui en tête. Le monde tout qu'il fait, qui pourrait te pardonner, toi t'en fais une erreur dans les houssoul, dans le menhaj, je ne sais quoi, et tu le rabaisses, et tu le piétines. C'est du rouleau. Donc on dit, soit tu mets quelqu'un, tu le mets au-dessus de ton rang, si jamais c'est des éloges, ou alors c'est un rabaissement de sa personne, si jamais c'est quelqu'un qui est élevé en main. Deuxièmement, moi je me suis dit, troisième, c'était. C'est une baisse du tandem dans la réserve, parce qu'à force de trop élever cette personne-là, le tandem est tout à. Alors, ça va. Pour un khalel, donc ta wazun, ça va déséquilibrer la balance. Tu vas mettre trop de poids sur une chose, donc une chose va être allégée. Et ça, c'est quoi qui va en prendre les conséquences? C'est le ta'zim d'Allah, ou même de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Du fait que tu vas exagérer sur un tel et un tel et un tel. Tu prendras une partie de ce qui revient à Allah, ou une partie qui revient à son messager, tu vas la mettre sur ce qui ne la mérite pas. Donc ça va faire contrepoids. Là, c'est Tayyib. On avait dit également que c'était une mafsada pour le marloufi. Car à la force de le, on va dire, de le vanter ou quoi, ça va lui monter à la tête. Et lui va commencer à être un but de sa personne. À avoir trop d'amour propre. Et là, hadha yu'adi ila l'inhiraf. Ça va le mener vers la déviance, vers l'orgueil. Et même la jalousie. La salen, Iblis, il avait ça. Du rouleau dans sa personne. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Ana khayrun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui de terre. Donc je suis meilleur que lui. Donc il s'est vu trop haut pour se prosterner devant Adam. Afas judu liman khalaqta tina. Vais-je me prosterner pour celui que tu as créé de terre? Et quatrièmement, on avait dit que ça menait aussi à la forqa. Entre ceux qui critiquent et ceux qui aiment. Qui exagèrent, ça va amener une forqa, une division. Taïb. Walbeb ou al-lazibar d'ahou. C'est la suite. Les deux babs qui viennent maintenant, c'est la suite de ce bab-là. C'est du rouleau vers les sans lépines. Là, ça, on vient de les prendre. C'est ma ja fi at-ta'rid fi man 'abada Allah 'inda qabr. C'est le fait d'avoir la sévère menace qui plane sur ceux qui adorent Allah auprès de la tombe d'un homme pieux. Alors que dire s'il l'adore? Et cela, rien ne le mène à agir de la sorte, ce n'est le rouleau dans cette personne-là. Donc, ça va avec. Donc c'est quoi le hukm d'adorer Allah près d'un cobre? Est-ce que c'est du shirk en soi? C'est une wasila. C'est une grande wasila qui mène au shirk. De l'adorer ou, comme cela va venir, de faire des souars, de tamathil, des statues, des images à son effigie. Wakada. Le fait, car les gens vont te voir faire un acte d'adoration près d'un cobre, ils vont penser que c'est à ce, cette adoration est tournée vers ce cobre. Et avec le temps, les gens vont tomber dans le shirk. Ils faisaient quoi les Nasara lorsque quelqu'un d'entre eux mourait parmi les gens pieux? Leur massager dessus, enfin leur lieu d'adoration dessus. Et il faisait une surah de ce mort. Non. C'est là que tu vois tous les saints qui sortent. Par exemple, tu vois dans le calendrier français, grégorien, tous les jours, tu as une fête d'un saint. Chaque jour, tu as un saint, c'est sa fête. Et tu verras plein d'histoires qui te racontent ce que Saint Georges, il a fait, ce que Saint Pierre, il a fait. Bah, le Père Noël, c'est un saint, à la base. C'est, en anglais, ils appellent Santa Claus. C'est un saint, là-bas. Regarde à quoi c'est arrivé. C'est arrivé à se donner une part de la Roboubia, qui sait ce que tu veux, qui en un instant dans la nuit, il est partout dans le monde. Et tu l'invoques, les enfants l'invoquent. Ils disent au Père Noël, je veux telle et telle chose. Et après, soi-disant, il vient et te donne ce que tu lui as demandé. C'est le shirk. Quand même, c'est le shirk. Et c'est parti de quoi? D'un saint. Après, ils ont mélangé avec d'autres mythes, avec le sapin et avec Kaza et Kaza, ils ont fait un vrai mélange. C'est parti que c'était un homme, ce que j'avais lu, qui à la base donnait des cadeaux à des enfants. Je crois que c'est Saint-Claude. À l'époque du Moyen-Âge, je ne sais quand. Il faisait des cadeaux à des enfants. Et après, de fil en aiguille, c'est devenu ce que tu connais aujourd'hui, le Père Noël. Au moins, lui, son mythe, il s'est pas rasé. Au moins, il a toujours sa barbe. Allah Moustan. Wa ba'da hada, al-bab al-ladhi akhadna ams, kadhalik. ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. Que l'exagération dans les coubours des salihin en font des awthan qui seront adorés en dehors d'Allah. C'est la suite justement de du bab précédent. C'est quoi le hukm de construire un masjid sur un kabr? Haram. Et c'est quoi le hukm de rentrer un kabr dans le masjid? Autre que janazat. L'enterrer, pas comme nous on fait la janaza. Quelqu'un il meurt et tu l'enterres dans le masjid. Ou à hukm salat fi masjid bouni à la kabr, une salat qui était d'un masjid qui était bâti sur une tombe. Si la personne sait, elle est morte là. Et c'est quoi le hukm de la salat dans lequel il y a une tombe? Non, mais c'est pas ça que je voulais. Pas pour ce crâne. Non, les gens ils viennent, ils font une salat, et dans le masjid il y a un kabr. Ils viennent pour ça, pour Allah. Mutlakan, dans l'absolu. Si il a pas la niya pour le mayyit. Il y a un tafsil. Si le kabr il est en jet le qibla. Si les gens sont muttajihoun et le kabr, ils sont dirigés vers le kabr, ça doit être le bâti là. Maintenant, les derrière ou à un autre endroit, c'est haram. Mais ça doit être pas bâti là. Khalas, hada la vie khadna, fi hadi l'abwab al-akhira. Et de demain, inshallah, on continuera. Naam. Fa anta kun al-istirdad. Toi, t'anticipes. Mais moi j'avais oublié, c'est après je me suis rappelé, je me dis mais on arrive au bab 20 là, Mourajaa, Mourakaza. Ma fou ma'ada. Donc là, c'est les points essentiels à retenir des durus. Voilà. Qu'on a appris. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.